Émile Zola, La fortune des Rougon, chapitre 7. Ce fut seulement le dimanche, le surlendemain de la tuerie de Sainte-Roure, que les troupes repassèrent par Plassans. Le préfet et le colonel, que M. Garçonnet avait invité à dîner, entrèrent seuls dans la ville. Les soldats firent le tour des remparts et allèrent camper dans les faubourgs sur la route de Nice. La nuit tombait. Le ciel, couvert depuis le matin, avait d'étranges reflets jaunes qui éclairaient la ville d'une clarté louche, pareille à ces lueurs cuivrées des temps d'orage. L'accueil des habitants fut peureux. Ces soldats, encore saignants, qui passaient, là et muets dans le crépuscule sale, dégoûtèrent les petits bourgeois propres du cours. Et ces messieurs, en se reculant, se racontaient à l'oreille d'épouvantables histoires de fusillades, de représailles farouches dont le pays a conservé la mémoire. La terreur du coup d'État commençait. Terreur éperdue, écrasante, qui tint le midi frissonnant pendant de longs mois. Plassans, dans son effroi et sa haine des insurgés, avait pu accueillir la troupe, à son premier passage, avec des cris d'enthousiasme. Mais, à cette heure, devant ce régiment sombre qui tirait sur un mot de son chef, les rentiers eux-mêmes et jusqu'au notaire de la ville neuve s'interrogeaient avec anxiété, se demandaient s'ils n'avaient pas commis quelques peccadilles politiques méritant des coups de fusil. Les autorités étaient revenues depuis la veille, dans deux carrioles louées à Sainte-Roure. Leur entrée imprévue n'avait rien eu de triomphal. Rougon rendit au maire son fauteuil sans grande tristesse. Le tour était joué. Il attendait de Paris avec fièvre la récompense de son civisme. Le dimanche, il ne l'espérait que pour le lendemain, il reçut une lettre de Gênes. Félicité avait eu soin, dès le jeudi, d'envoyer à son fils les numéros de la Gazette et de l'Indépendant, qui, dans une seconde édition, avait raconté la bataille de la nuit et l'arrivée du préfet. Eugène répondait, courrier par courrier, que la nomination de son père à une recette particulière allait être signée. Mais, disait-il, il voulait sur-le-champ lui annoncer une bonne nouvelle. Il venait d'obtenir pour lui le ruban de la Légion d'honneur. Félicité pleura. Son mari décoré. Son rêve d'orgueil n'était jamais allé jusque-là. Rougon, pâle de joie, dit qu'il fallait le soir même donner un grand dîner. Il ne comptait plus. Il aurait jeté au peuple par les deux fenêtres du salon jaune ses dernières pièces de 100 sous pour célébrer ce beau jour. « Écoute, dit-il à sa femme, tu inviteras Sicardo. Il y a assez longtemps qu'il m'ennuie avec sa rosette, celui-là. Puis Granoux et Roudier, auxquels je ne suis pas fâché de faire sentir que ce n'est pas leurs gros sous qui leur donneront jamais la croix. Vuillet est un fesse-Mathieu, mais le triomphe doit être complet, préviens-le, ainsi que tout le fretin. J'oubliais, tu iras en personne chercher le marquis. Nous le mettrons à ta droite. Il fera très bien à notre table. Tu sais que M. Garçonnet traite le colonel et le préfet. C'est pour me faire comprendre que je ne suis plus rien. Je me moque bien de sa mairie. Elle ne lui rapporte pas un sou. Il m'a invité, mais je dirais que j'ai du monde, moi aussi. Tu les verras rire jaune demain. Et mets les petits plats dans les grands. Fais tout apporter de l'hôtel de Provence. Il faut enfoncer le dîner du maire. Félicité se mit en campagne. Pierre, dans son ravissement, éprouvait encore une vague inquiétude. Le coup d'État allait payer ses dettes. Son fils Aristide pleurait ses fautes, et il se débarrassait enfin de Macquart. Mais il craignait quelques sottises de son fils Pascal. Il était surtout très inquiet sur le sort réservé à Silvère. Non pas qu'il le plaignît le moins du monde. Il redoutait simplement que l'affaire du gendarme ne vînt devant les assises. Ah, si une balle intelligente avait pu le délivrer de ce petit scélérat! Comme sa femme lui faisait remarquer le matin, les obstacles étaient tombés devant lui. Cette famille qui le déshonorait avait au dernier moment travaillé à son élévation. Ses fils, Eugène et Aristide, ses mange-tout, dont il regrettait si amèrement les mois de collège, payaient enfin les intérêts du capital dépensé pour leur instruction. et il fallait que la pensée de ce misérable Silver troublât cette heure de triomphe. Pendant que Félicité courait pour le dîner du soir, Pierre apprit l'arrivée de la troupe et se décida à aller au renseignement. Sicardo, qui l'avait interrogé à son retour, ne savait rien. Pascal devait être resté pour soigner les blessés. Quant à Silver, il n'avait pas même été vu du commandant, qui le connaissait peu. Rougon se rendit au faubourg, se promettant de remettre à Macquart, par la même occasion, les 800 francs qu'il venait seulement de réaliser à grand-peine. Mais lorsqu'il fut dans la cohue du campement, qu'il vit de loin les prisonniers, assis en longue file sur les poutres de l'aire Saint-Mitre, et gardés par des soldats, le fusil au poing, il eut peur de se compromettre. Il fila sournoisement chez sa mère, avec l'intention d'envoyer la vieille femme chercher des nouvelles. Quand il entra dans la masure, la nuit était presque tombée. Il ne vit d'abord que Macquart, fumant et buvant des petits verres. « C'est toi ? Ce n'est pas malheureux, murmura Antoine, qui s'était remis à tutoyer son frère. « Je me fais diablement vieux ici. As-tu l'argent ?» Mais Pierre ne répondit pas. Il venait d'apercevoir son fils, Pascal, penché au-dessus du lit. Il l'interrogea vivement. Le médecin, surpris de ses inquiétudes, qu'il attribua d'abord à ses tendresses de père, lui répondit avec tranquillité que les soldats l'avaient pris et qu'ils l'auraient fusillé sans l'intervention d'un brave homme qu'il ne connaissait point. Sauvé par son titre de docteur, il était revenu avec la troupe. Ce fut un grand soulagement pour Rougon. Encore un qui ne le compromettrait pas. Il témoignait sa joie par des poignées de main répétées, lorsque Pascal termina en disant d'une voix triste « Ne vous réjouissez pas, je viens de trouver ma pauvre grand-mère au plus mal. Je lui rapportais cette carabine à laquelle elle tient, et voyez, elle était là, elle n'a plus bougé. » Les yeux de Pierre s'habituaient à l'obscurité. Alors, dans les dernières lueurs qui traînaient, il vit Tante Dide, roide, morte, sur le lit. Ce pauvre corps, que des névroses détraquaient depuis le cerveau, était vaincu par une crise suprême. Les nerfs avaient comme mangé le sang. Le sourd travail de cette chair ardente, s'épuisant, se dévorant elle-même dans une tardive chasteté, s'achevait, faisait de la malheureuse un cadavre que des secousses électriques seules galvanisaient encore. À cette heure, une douleur atroce semblait avoir hâté la lente décomposition de son être. Sa pâleur de nonne, de femme amolie par l'ombre et les renoncements du cloître, se tachait de plaques rouges. Le visage convulsé, les yeux horriblement ouverts, les mains retournées et tordues, elle s'allongeait dans ses jupes, qui dessinaient en lignes sèches les maigreurs de ses membres. Et serrant les lèvres, elle mettait au fond de la pièce noire l'horreur d'une agonie muette. Rougon eut un geste d'humeur. Ce spectacle navrant lui fut très désagréable. Il avait du monde à dîner le soir. Il aurait été désolé d'être triste. Sa mère ne savait qu'inventer pour le mettre dans l'embarras. Elle pouvait bien choisir un autre jour. Aussi prit-il un air tout à fait rassuré en disant « Bah, ce ne sera rien, je l'ai vu 100 fois comme cela. Il faut la laisser reposer, c'est le seul remède. » Pascal hocha la tête. « Non, cette crise ne ressemble pas aux autres, murmura-t-il. Je l'ai souvent étudiée et jamais je n'ai remarqué de tels symptômes. Regardez donc ses yeux. » Ils ont une fluidité particulière, des clartés pâles, très inquiétantes. Et le masque, quelle épouvantable torsion de tous les muscles. Puis, se penchant davantage, étudiant les traits de plus près, il continua à voix basse, comme se parlant à lui-même. Je n'ai vu des visages pareils qu'aux gens assassinés, morts dans l'épouvante. Elle doit avoir eu quelque émotion terrible. Mais comment la crise est-elle venue ? Demanda Rougon impatienté, ne sachant plus de quelle façon quitter la chambre. Pascal ne savait pas. Macquart, en se versant un nouveau petit verre, raconta qu'ayant eu l'envie de boire un peu de cognac, il l'avait envoyé en chercher une bouteille. Elle était restée fort peu de temps dehors. Puis, en rentrant, elle était tombée roide par terre, sans dire un mot. Macquart avait dû la porter sur le lit. Ce qui m'étonne, dit-il en matière de conclusion, c'est qu'elle n'ait pas cassé la bouteille. » Le jeune médecin réfléchissait. Il reprit au bout d'un silence. « J'ai entendu deux coups de feu en venant ici. Peut-être ces misérables ont-ils encore fusillé quelques prisonniers. Si elle a traversé les rangs des soldats à ce moment, la vue du sang a pu la jeter dans cette crise. Il faut qu'elle ait horriblement souffert. » Il avait heureusement la petite boîte de secours qu'il portait sur lui depuis le départ des insurgés. Il essaya d'introduire entre les dents serrées de Tante Dide quelques gouttes d'une liqueur rosâtre. Pendant ce temps, Macquart demanda de nouveau à son frère. « As-tu l'argent ?»« Oui, je l'apporte. Nous allons terminer, » répondit Rougon, heureux de cette diversion. Alors Macquart, voyant qu'il allait être payé, se mit à geindre. Il avait compris trop tard les conséquences de sa trahison. Sans cela, il aurait exigé une somme 2 et 3 fois plus forte. Et il se plaignait. Vraiment, 1000 francs, ce n'était pas assez. Ses enfants l'avaient abandonné. Il se trouvait seul au monde, obligé de quitter la France. Peu s'en fallut qu'il ne pleurât en parlant de son exil. « Voyons, voulez-vous les 800 francs ?» dit Rougon, qui avait hâte de s'en aller. « Non, vrai, double la somme. Ta femme m'a filouté. Si elle m'avait carrément dit ce qu'elle attendait de moi, jamais je ne me serais compromis de la sorte pour si peu de choses. » Rougon aligna les 800 francs en or sur la table. « Je vous jure que je n'ai pas d'avantage, » reprit-il. « Je songerai à vous plus tard, mais par grâce, partez dès ce soir. » Macquart, maugréant, mâchant des lamentations sourdes, porta la table devant la fenêtre et se mit à compter les pièces d'or à la lueur mourante du crépuscule. Il faisait tomber de haut les pièces qui lui chatouillaient délicieusement le bout des doigts et dont le tintement emplissait l'ombre d'une musique claire. Il s'interrompit un instant pour dire « Tu m'as fait promettre une place, souviens-toi. Je veux rentrer en France. Une place de garde-champêtre ne me déplairait pas, dans un bon pays que je choisirais. » « Oui, oui, c'est convenu, » répondit Rougon. « Avez-vous bien 800 francs ?» Macquart se remit à compter. Les derniers louis tintaient, lorsqu'un éclat de rire strident leur fit tourner la tête. Tante Dide était debout devant le lit, délacée, avec ses cheveux blancs dénoués, sa face pâle, tachée de rouge. Pascal avait vainement essayé de la retenir. Les bras tendus, secouée par un grand frisson, elle hochait la tête. Elle délirait. « Le prix du sang ! Le prix du sang !» dit-elle à plusieurs reprises. « J'ai entendu l'or, et ce sont eux qui l'ont vendu. Ah, les assassins, ce sont des loups !» Elle écartait ses cheveux. Elle passait les mains sur son front comme pour lire en elle. Puis elle continua. « Je le voyais depuis longtemps, le front troué d'une balle. Il y avait toujours des gens dans ma tête qui le guettaient avec des fusils. Ils me faisaient signe qu'ils allaient tirer. C'est affreux, je les sens qui me brisent les os et me vident le crâne. Grâce, oh grâce, je vous en supplie. Il ne la verra plus, il ne l'aimera plus, jamais, jamais. Je l'enfermerai, je l'empêcherai d'aller dans ses jupes. Non, grâce, ne tirez pas, ce n'est pas ma faute, si vous saviez. » Elle s'était presque mise à genoux, pleurant, suppliant, tendant ses pauvres mains tremblantes à quelque vision lamentable qu'elle apercevait dans l'ombre. Et brusquement, elle se redressa. Ses yeux s'agrandirent encore. Sa gorge convulsée laissa échapper un cri terrible, comme si quelque spectacle, qu'elle seule voyait, l'eût empli d'une terreur folle. « Oh ! Le gendarme !» dit-elle, étranglant, reculant, venant retomber sur le lit où elle se roula avec de longs éclats de rire qui sonnaient furieusement. Pascal suivait la crise d'un œil attentif. Les deux frères, très effrayés, ne saisissant que des phrases décousues, s'étaient réfugiés dans un coin de la pièce. Quand Rougon entendit le mot de gendarme, il crut comprendre. Depuis le meurtre de son amant à la frontière, Tante Dide nourrissait une haine profonde contre les gendarmes et les douaniers, qu'elle confondait dans une même pensée de vengeance. « Mais c'est l'histoire du braconnier qu'elle nous raconte là !» murmura-t-il. Pascal lui fit signe de se taire. La moribonde se relevait, péniblement. Elle regarda autour d'elle d'un air de stupeur. Elle resta un instant muette, cherchant à reconnaître les objets, comme si elle se fût trouvée dans un lieu inconnu. Puis, avec une inquiétude subite, « Où est le fusil ? » demanda-t-elle. Le médecin lui mit la carabine entre les mains. Elle poussa un léger cri de joie, elle la regarda longuement, en disant à voix basse, d'une voix chantante de petite fille, « C'est elle ! Oh, je la reconnais, elle est toute tachée de sang. Aujourd'hui, les taches sont fraîches. Ses mains rouges ont laissé sur la crosse des barres saignantes. Ah, pauvre, pauvre tante Did !» Sa tête malade tourna de nouveau. Elle devint pensive. « Le gendarme était mort, » murmura-t-elle. « Et je l'ai vu, il est revenu. Ça ne meurt jamais, ces gredins !» Et, reprise par une fureur sombre, agitant la carabine, elle s'avança vers ses deux fils, acculés, muets d'horreur. Ses jupes dénouées traînaient. Son corps tordu se redressait, demi-nu, affreusement creusé par la vieillesse. « C'est vous qui avez tiré !» cria-t-elle. « J'ai entendu l'or !» Malheureuse, je n'ai fait que des loups, toute une famille, toute une portée de loups. Il n'y avait qu'un pauvre enfant, et ils l'ont mangé. Chacun a donné son coup de dent. Ils ont encore du sang plein les lèvres. Ah, les maudits, ils ont volé, ils ont tué, et ils vivent comme des messieurs. Maudits, maudits, maudits. Elle chantait, elle riait, elle criait et répétait. Maudits, sur une étrange phrase musicale. Pareil au bruit déchirant d'une fusillade. Pascal, les larmes aux yeux, la prit entre ses bras, la recoucha. Elle se laissa faire comme une enfant. Elle continua sa chanson, accélérant le rythme, battant la mesure sur le drap de ses mains sèches. « Voilà ce que je craignais, » dit le médecin. « Elle est folle. Le coup a été trop rude pour un pauvre être prédestiné comme elle aux névroses aiguës. Elle mourra dans une maison de fous, ainsi que son père. » « Mais qu'a-t-elle pu voir ?» demanda Rougon en se décidant à quitter l'angle où il s'était caché. « J'ai un doute affreux, » répondit Pascal. « Je voulais vous parler de Silver quand vous êtes entré. Il est prisonnier. Il faut agir auprès du préfet, le sauver s'il en est temps encore. » L'ancien marchand d'huile regarda son fils en pâlissant, puis d'une voix rapide. « Écoute, veille sur elle. Moi, je suis trop occupée ce soir. Nous verrons demain à la faire transporter à la maison d'aliénés des Tulettes. Vous, Macquart, il faut partir cette nuit même. Vous me le jurez. Je vais aller trouver Monsieur de Blériot. » Il balbutiait. Il brûlait d'être dehors, dans le froid de la rue. Pascal fixait un regard pénétrant sur la folle, sur son père, sur son oncle. L'égoïsme du savant l'emportait. Il étudiait cette mère et ses fils avec l'attention d'un naturaliste surprenant les métamorphoses d'un insecte. Et il songeait à ces poussées d'une famille, d'une souche qui jette des branches diverses et dont la sève âcre charrie les mêmes germes dans les tiges les plus lointaines, différemment tordues selon les milieux d'ombre et de soleil. Il crut entrevoir un instant, comme au milieu d'un éclair, l'avenir des Rougon-Macquart. Une meute d'appétits lâchés et assouvis dans un flamboiement d'or et de sang. Cependant, au nom de Silver, tante Did avait cessé de chanter. Elle écouta un instant, anxieuse. Puis, elle se mit à pousser des hurlements affreux. La nuit était entièrement tombée, la pièce, toute noire, se creusait, lamentable. Les cris de la folle, qu'on ne voyait plus, sortaient des ténèbres, comme d'une tombe fermée. Rougon, la tête perdue, s'enfuit, poursuivi par ses ricanements qui sanglotaient plus cruels dans l'ombre. Comme il sortait de l'impasse Saint-Mitre, hésitant, se demandant s'il n'était pas dangereux de solliciter du préfet la grâce de Silver, il vit Aristide qui rôdait autour du champ de poutre. Ce dernier, ayant reconnu son père, accourut, la mine inquiète, et lui dit quelques mots à l'oreille. Pierre devint blême. Il jeta un regard effaré au fond de l'air, dans ces ténèbres qu'un feu de bohémien tachait seul d'une clarté rouge. Et tous deux disparurent par la rue de Rome, hâtant le pas, comme s'ils avaient tué, et relevant le collet de leur paletot pour ne pas être vus. « Ça m'évite une course !» murmura Rougon. « Allons dîner, on nous attend !» Lorsqu'ils arrivèrent, le salon jaune resplendissait. Félicité s'était multipliée. Tout le monde se trouvait là. Sicardot, Granoux, Roudier, Vuillet, les marchands d'huile, les marchands d'amandes, la bande entière. Seul le marquis avait prétexté ses rhumatismes. Il partait d'ailleurs pour un petit voyage. Ses bourgeois tachés de sang blessaient ses délicatesses, et son parent, le comte de Valqueyras, devait l'avoir prié d'aller se faire oublier quelque temps dans son domaine de Corbière. Le refus de monsieur de Carnavant vexa les Rougon, mais Félicité se consola en se promettant d'étaler un plus grand luxe. Elle loua 2 candélabres, elle commanda 2 entrées et 2 entremets de plus, afin de remplacer le marquis. La table, pour plus de solennité, fut dressée dans le salon. L'hôtel de Provence avait fourni l'argenterie, la porcelaine, les cristaux. Dès 5 heures, le couvert se trouva mis, pour que les invités, en arrivant, puissent jouir du coup d'œil. Et il y avait aux 2 bouts, sur la nappe blanche, 2 bouquets de roses artificielles dans des vases de porcelaine dorée à fleurs peintes. La société habituelle du salon, quand elle fut réunie, ne put cacher l'admiration que lui causa un pareil spectacle. Ces messieurs souriaient d'un air embarrassé en échangeant des regards sournois qui signifiaient clairement « Ces Rougons sont fous, ils jettent leur argent par la fenêtre !» La vérité était que Félicité, en allant faire les invitations, n'avait pu retenir sa langue. Tout le monde savait que Pierre était décoré et qu'on allait le nommer quelque chose. Ce qui allongeait les nez singulièrement, selon l'expression de la vieille femme. Puis, disait Roudier, cette noiraude se gonflait par trop. Au jour des récompenses, la bande de ces bourgeois qui s'étaient rués sur la République expirante, en s'observant les uns les autres, en se faisant gloire chacun de donner un coup de dent plus bruyant que celui du voisin, trouvaient mauvais que leurs hôtes eussent tous les lauriers de la bataille. Ceux même qui avaient hurlé par tempérament, sans rien demander à l'Empire naissant, étaient profondément vexés de voir que grâce à eux, le plus pauvre, le plus taré de tous, allait avoir le ruban rouge à la boutonnière. Encore si l'on avait décoré tout le salon. Ce n'est pas que je tienne à la décoration, dit Roudier à Granoux, qui l'avait entraîné dans l'embrasure d'une fenêtre. Je l'ai refusé du temps de Louis-Philippe, lorsque j'étais fournisseur de la cour. Ah, Louis-Philippe était un bon roi. La France n'en trouvera jamais un pareil. Roudier redevenait orléaniste. Puis il ajouta avec l'hypocrisie matoise d'un ancien bonnetier de la rue Saint-Honoré. Mais vous, mon cher Granoux, croyez-vous que le ruban ne ferait pas bien votre boutonnière? Après tout, vous avez sauvé la ville autant que Rougon. Hier, chez des personnes très distinguées, on n'a jamais voulu croire que vous ayez pu faire autant de bruit avec un marteau. » Granoux balbutia un remerciement, et, rougissant comme une vierge à son premier aveu d'amour, il se pencha à l'oreille de Roudier en murmurant. « N'en dites rien, mais j'ai lieu de penser que Rougon demandera le ruban pour moi. C'est un bon garçon. » L'ancien bonnetier devint grave et se montra dès lors d'une grande politesse. Vuillet étant venu causer avec lui de la récompense méritée que venait de recevoir leur ami, il répondit très haut, de façon à être entendu de Félicité, assise à quelques pas, que des hommes comme Rougon honoraient la Légion d'honneur. Le libraire fit chorus. On lui avait le matin donné l'assurance formelle que la clientèle du collège lui était rendue. Quant à Sicardot, il éprouva d'abord un léger ennui à n'être plus le seul homme décoré de la bande. Selon lui, il n'y avait que les militaires qui eussent droit au ruban. Le courage de Pierre le surprenait. Mais, bonhomme au fond, il s'échauffa et finit par crier que les Napoléons savaient distinguer les hommes de cœur et d'énergie. Aussi, Rougon et Aristide furent-ils reçus avec enthousiasme. Toutes les mains se tendirent vers eux. On alla jusqu'à s'embrasser. Angèle était sur le canapé à côté de sa belle-mère, heureuse, regardant la table avec l'étonnement d'une grosse mangeuse qui n'avait jamais vu autant de plats à la fois. Aristide s'approcha et Sicardot vint complimenter son gendre du superbe article de l'Indépendant. Il lui rendait son amitié. Le jeune homme, aux questions paternelles qu'il lui adressait, répondit que son désir était de partir avec tout son petit monde pour Paris, où son frère Eugène le pousserait. Mais il lui manquait 500 francs. Sicardo les promit, en voyant déjà sa fille reçue aux Tuileries par Napoléon III. Cependant, Félicité avait fait un signe à son mari. Pierre, très entouré, questionné affectueusement sur sa pâleur, ne réussit qu'à s'échapper une minute. Il put murmurer à l'oreille de sa femme qu'il avait retrouvé Pascal et que Macquart partait dans la nuit. Il baissa encore la voix pour lui apprendre la folie de sa mère, en mettant un doigt sur sa bouche, comme pour dire « Pas un mot, ça gâterait notre soirée !» Félicité pinça les lèvres. Ils échangèrent un regard où ils lurent leur commune pensée. Maintenant, la vieille ne les gênait plus. On raserait la masure du braconnier comme on avait rasé les murs de l'enclos des Fouques, et ils auraient à jamais le respect et la considération de Plassans. Mais les invités regardaient la table. Félicité fit asseoir ces messieurs. Ce fut une béatitude. Comme chacun prenait sa cuillère, Sicardo, d'un geste, demanda un moment de répit. Il se leva, et gravement. « Messieurs, dit-il, je veux, au nom de la société, dire à notre hôte combien nous sommes heureux des récompenses que lui ont valu son courage et son patriotisme. Je reconnais que Rougon a eu une inspiration du ciel en restant à Plassans, tandis que ses gueux nous traînaient sur les grandes routes. Aussi, j'applaudis des deux mains aux décisions du gouvernement. Laissez-moi achever, vous féliciterez ensuite notre ami. Sachez donc que notre ami, fait chevalier de la Légion d'honneur, va en outre être nommé à une recette particulière. » Il y eut un cri de surprise. On s'attendait à une petite place. Quelques-uns grimacèrent un sourire. Mais, la vue de la table aidant, les compliments recommencèrent de plus belle. Sicardo réclama de nouveau le silence. « Attendez donc, reprit-il, je n'ai pas fini. Rien qu'un mot. Il est à croire que nous garderons notre ami parmi nous, grâce à la mort de Monsieur Perotte. » Tandis que les convives s'exclamaient, Félicité éprouva un élancement au cœur. Sicardo lui avait déjà conté la mort du receveur particulier. Mais, rappelée au début de ce dîner triomphal, cette mort, subite et affreuse, lui fit passer un petit souffle froid sur le visage. Elle se rappela son souhait. C'était elle qui avait tué cet homme. Et, avec la musique claire de l'argenterie, les convives fêtaient le repas. En province, on mange beaucoup et bruyamment. Dès le relevé, ces messieurs parlaient tous à la fois. Ils donnaient le coup de pied de l'âne aux vaincus, se jetaient des flatteries à la tête, faisaient des commentaires désobligeants sur l'absence du marquis. Les nobles étaient d'un commerce impossible. Roudier finit même par laisser entendre que le marquis s'était fait excuser parce que la peur des insurgés lui avait donné la jaunisse. Au second service, ce fut une curée. Les marchands d'huile, les marchands d'amandes sauvaient la France. On trinqua à la gloire des Rougon. Granoux, très rouge, commençait à balbutier. Évuillet, très pâle, était complètement gris. Mais Sicardo versait toujours, tandis qu'Angèle, qui avait déjà trop mangé, se faisait des verres d'eau sucrée. La joie d'être sauvée, de ne plus trembler, de se retrouver dans ce salon jaune, autour d'une bonne table, sous la clarté vive des deux candélabres et du lustre qu'il voyait pour la première fois sans son étui piqué de chiures noires, donnait à ces messieurs un épanouissement de sottise, une plénitude de jouissance large et épaisse. Dans l'air chaud, leur voix montait, grasse, plus louangeuse à chaque plat, s'embarrassant au milieu des compliments, allant jusqu'à dire, ce fut un ancien maître tanneur retiré qui trouva ce joli mot, que le dîner était un vrai festin de Lucullus. Pierre rayonnait. Sa grosse face pâle suait le triomphe. Félicité, aguerrie, disait qu'il louerait sans doute le logement de ce pauvre monsieur Perotte, en attendant qu'ils pussent acheter une petite maison dans la ville neuve. Et elle distribuait déjà son mobilier futur dans les pièces du receveur. Elle entrait dans ses tuileries. À un moment, comme le bruit des voix devenait assourdissant, elle parut prise d'un souvenir subi. Elle se leva et vint se pencher à l'oreille d'Aristide. « Et Silvère ?» lui demanda-t-elle. Le jeune homme, surpris par cette question, tressaillit. « Il est mort, » répondit-il à voix basse. « J'étais là quand le gendarme lui a cassé la tête d'un coup de pistolet. » Félicité eut à son tour un léger frisson. Elle ouvrait la bouche pour demander à son fils pourquoi il n'avait pas empêché ce meurtre en réclamant l'enfant. Mais elle ne dit rien. Elle resta là, interdite. Aristide, qui avait lu sa question sur ses lèvres tremblantes, murmura « Vous comprenez, je n'ai rien dit. Tant pis pour lui aussi. J'ai bien fait, c'est un bon débarras. » Cette franchise brutale déplut à Félicité. Aristide, comme son père, comme sa mère, avait son cadavre. Sûrement, il n'aurait pas avoué avec une telle carrure qu'il flânait au faubourg et qu'il avait laissé casser la tête à son cousin, si les vins de l'hôtel de Provence et les rêves qu'il bâtissait sur sa prochaine arrivée à Paris ne l'eussent fait sortir de sa sournoiserie habituelle. La phrase lâchée, il se dandina sur sa chaise. Pierre, qui de loin suivait la conversation de sa femme et de son fils, comprit, échangea avec eux un regard de complice implorant le silence. Ce fut comme un dernier souffle d'effroi qui courut entre les Rougon, au milieu des éclats et des chaudes gaietés de la table. En venant reprendre sa place, Félicité aperçut de l'autre côté de la rue, derrière une vitre, un cierge qui brûlait. On veillait le corps de M. Perrotte, rapporté le matin de Sainte-Roure. Elle s'assit, en sentant derrière elle ce cierge lui chauffer le dos. Mais les rires montaient. Le salon jaune s'emplit d'un cri de ravissement lorsque le dessert parut. Et à cette heure, le faubourg était encore tout frissonnant du drame qui venait d'ensanglanter l'air Saint-Mitre. Le retour des troupes, après le carnage de la plaine des Nords, fut marqué par d'atroces représailles. Des hommes furent assommés à coups de crosse derrière un pan de mur. D'autres eurent la tête cassée au fond d'un ravin par le pistolet d'un gendarme. Pour que l'horreur fermât les lèvres, les soldats semaient les morts sur la route. On les eut suivis à la trace rouge qu'ils laissaient. Ce fut un long égorgement. À chaque étape, on massacrait quelques insurgés. On en tua deux à Sainte-Roure, trois à Orchères, un au Béage. Quand la troupe eut campé à Plassans, sur la route de Nice, il fut décidé qu'on fusillerait encore un des prisonniers, le plus compromis. Les vainqueurs jugeaient bon de laisser derrière eux ce nouveau cadavre, afin d'inspirer à la ville le respect de l'Empire naissant. Mais les soldats étaient las de tuer. Aucun ne se présenta pour la sinistre besogne. Les prisonniers, jetés sur les poutres du chantier, comme sur un lit de camp, liés par les poings, deux à deux, écoutaient, attendaient, dans une stupeur lasse et résignée. À ce moment, le gendarme Rengade écarta brusquement la foule des curieux. Dès qu'il avait appris que la troupe revenait, avec plusieurs centaines d'insurgés, il s'était levé, grelottant de fièvre, risquant sa vie dans ce froid noir de décembre. Dehors, sa blessure se rouvrit. Le bandeau qui cachait son orbite vide se tacha de sang. Il y eut des filets rouges qui coulèrent sur sa joue et sur sa moustache. Effrayant, avec sa colère muette, sa tête pâle enveloppée d'un linge ensanglanté, il courut regarder chaque prisonnier au visage, longuement. Il suivit ainsi les poutres, se baissant, allant et revenant, faisant tressaillir les plus stoïques par sa brusque apparition. Et tout d'un coup, « Ah, le bandit, je le tiens » cria-t-il. Il venait de mettre la main sur l'épaule de Silvère. Silvère, accroupi sur une poutre, la face morte, regardait au loin, devant lui, dans le crépuscule blafard, d'un air doux et stupide. Depuis son départ de Sainte-Roure, il avait eu ce regard vide. le long de la route, pendant les longues lieues, lorsque les soldats activaient la marche du convoi à coups de crosse, il s'était montré d'une douceur d'enfant. Couvert de poussière, mourant de soif et de fatigue, il marchait toujours, sans une parole, comme une de ces bêtes dociles qui vont en troupeau sous le fouet des vachers. Il songeait à Miette. Il la voyait, étendue dans le drapeau, sous les arbres, les yeux en l'air. Depuis 3 jours, il ne voyait qu'elle. À 7 heures, au fond de l'ombre croissante, il la voyait encore. Rengade se tourna vers l'officier, qui n'avait pu trouver parmi les soldats les hommes nécessaires à une exécution. « Ce gredin m'a crevé l'œil, » lui dit-il en montrant Silvère. « Donnez-le-moi, ce sera autant de fait pour vous. » L'officier, sans répondre, se retira d'un air indifférent, en faisant un geste vague. Le gendarme comprit qu'on lui donnait son homme. « Allons, lève-toi, » reprit-il en le secouant. Silvère, comme tous les autres prisonniers, avait un compagnon de chaîne. Il était attaché par un bras à un paysan de Poujols, un nommé Mourgue, homme de 50 ans, dont les grands soleils et le dur métier de la terre avaient fait d'une brute. Déjà voûté, les mains roidies, la face plate, il clignait des yeux, hébété, avec cette expression entêtée et méfiante des animaux battus. Il était parti, armé d'une fourche, parce que tout son village partait. Mais il n'aurait jamais pu expliquer ce qui le jetait ainsi sur les grandes routes. Depuis qu'on l'avait fait prisonnier, il comprenait encore moins. Il croyait vaguement qu'on le ramenait chez lui. L'étonnement de se voir attaché, la vue de tout ce monde qui le regardait, l'ahurissait, la bêtissait davantage. Comme il ne parlait et n'entendait que le patois, il ne put deviner ce que voulait le gendarme. Il levait vers lui sa face épaisse, faisant effort. Puis, s'imaginant qu'on lui demandait le nom de son pays, il dit de sa voix rauque « Je suis de Poujols ». Un éclat de rire courut dans la foule et des voix crièrent « Détachez le paysan !»« Bah !» répondit Rengade, « plus on en écrasera de cette vermine, mieux ça vaudra. Puisqu'ils sont ensemble, ils y passeront tous les deux. » Il y eut un murmure. Le gendarme se retourna, avec son terrible visage taché de sang, et les curieux s'écartèrent. Un petit bourgeois, propre, se retira, en déclarant que s'il restait davantage, ça l'empêcherait de dîner. Des gamins, ayant reconnu Silvère, parlèrent de la fille rouge. Alors le petit bourgeois revint sur ses pas, pour mieux voir l'amant de la femme au drapeau, de cette créature dont avait parlé la Gazette. Silvère ne voyait, n'entendait rien. Il fallut que Rengade le prît au collet. Alors il se leva, forçant Mourgue à se lever aussi. « Venez, dit le gendarme, ce ne sera pas long. » Et Silvère reconnut le borgne. Il sourit, il dut comprendre, puis il détourna la tête. La vue du borgne, de ses moustaches que le sang figé roidissait d'un givre sinistre, lui causa un immense regret. Il aurait voulu mourir dans une douceur infinie. Il évita de rencontrer l'œil unique de Rengade, qui brillait sous la pâleur du linge. Ce fut le jeune homme qui, de lui-même, gagna le fond de l'aire Saint-Mitre, l'allée étroite cachée par les tas de planches. Mourgue suivait. L'air s'étendait, désolé, sous le ciel jaune. La clarté des nuages cuivrés traînait en reflets louches. Jamais le champ nu, le chantier où les poutres dormaient, comme roidis par le froid, n'avait eu les mélancolies d'un crépuscule si lent, si navré. Au bord de la route, les prisonniers, les soldats, la foule disparaissaient dans le noir des arbres. Seul le terrain, les madriers, les tas de planches, pâlissaient dans les clartés mourantes, avec des teintes limoneuses, un aspect vague de torrents desséchés. Les tréteaux des scieurs de long, profilant dans un coin leur charpente maigre, ébauchaient des angles de potence, des montants de guillotine. Et il n'y avait de vivant que 3 bohémiens montrant leur tête effarée à la porte de leur voiture, un vieux et une vieille et une grande fille aux cheveux crépus, dont les yeux luisaient comme des yeux de loup. Avant d'atteindre l'allée, Silvère regarda. Il se souvint d'un dimanche lointain où, par un beau clair de lune, il avait traversé le chantier. Quelle douceur attendrie ! Comme les rayons pâles coulaient lentement le long des madriers. Du ciel glacé tombait un silence souverain. Et dans ce silence, la bohémienne aux cheveux crépus chantait à voix basse dans une langue inconnue. Puis Silvère se rappela que ce dimanche lointain datait de 8 jours. Il y avait 8 jours qu'il était venu dire adieu à Miette. Que cela était loin. Il lui semblait qu'il n'avait plus mis les pieds dans le chantier depuis des années. Mais quand il entra dans l'allée étroite, son cœur défaillit. Il reconnaissait l'odeur des herbes, les ombres des planches, les trous de la muraille. Une voix éplorée monta de toutes ces choses. L'allée s'allongeait, triste, vide. Elle lui parut plus longue. Il y sentit souffler un vent froid. Ce coin avait cruellement vieilli. Il vit le mur rongé de mousse, le tapis d'herbe brûlé par la gelée, les tas de planches pourries par les eaux. C'était une désolation. Le crépuscule jaune tombait comme une boue fine sur les ruines de ses chères tendresses. Il dut fermer les yeux et il revit l'allée verte. Les saisons heureuses se déroulèrent. Il faisait tiède, il courait dans l'air chaud avec Miette. Puis les pluies de décembre tombaient, rudes, sans fin. Ils venaient toujours, ils se cachaient au fond des planches, ils écoutaient, ravis, le grand ruissellement de l'averse. Ce fut, dans un éclair, toute sa vie, toute sa joie qui passa. Miette sautait son mur, elle accourait, secouée de rires sonores. Elle était là, il voyait sa blancheur dans l'ombre, avec son casque vivant, sa chevelure d'encre. Elle parlait des nids de pie qui sont si difficiles à dénicher, et elle l'entraînait. Alors, il entendit au loin les murmures adoucis de la Viorne, le chant des cigales attardées, le vent qui soufflait dans les peupliers des prés Sainte-Claire. Comme ils avaient couru pourtant! Il se souvenait bien. Elle avait appris à nager en 15 jours. C'était une brave enfant. Elle n'avait qu'un gros défaut. Elle maraudait. Mais il l'aurait corrigé. La pensée de leur première caresse le ramena à l'allée étroite. Toujours ils étaient revenus dans ce trou. Il crut saisir le chant mourant de la bohémienne, le claquement des derniers volets, l'heure grave qui tombait des horloges. Puis le moment de la séparation sonnait, Miette remontait sur son mur, elle lui envoyait des baisers, et il ne la voyait plus. Une émotion terrible le prit à la gorge. Il ne la verrait plus jamais, jamais. « À ton aise, ricana le borgne, va, choisis ta place !» Silvère fit encore quelques pas. Il approchait du fond de l'allée. Il n'apercevait plus qu'une bande de ciel où se mourait le jour, couleur de rouille. Là, pendant 2 ans, avait tenu sa vie. La lente approche de la mort, dans ce sentier où depuis si longtemps il promenait son cœur, était d'une douceur ineffable. Il s'attardait, il jouissait longuement de ses adieux à tout ce qu'il aimait, les herbes, les pièces de bois, les pierres du vieux mur, ces choses que Miette avait faites vivantes. Et sa pensée s'égarait de nouveau. Ils attendaient d'avoir l'âge pour se marier. Tante Dide serait restée avec eux. Ah, s'ils avaient fui loin, bien loin, au fond de quelque village inconnu, où les vauriens du faubourg ne seraient plus venus jeter au visage de la Chantegreille le crime de son père. Quelle paix heureuse! Il aurait ouvert un atelier de charron sur le bord d'une grande route. Certes, il faisait bon marché de ses ambitions d'ouvrier. Il n'enviait plus la carrosserie, les calèches aux larges panneaux vernis, luisant comme des miroirs. Dans la stupeur de son désespoir, il ne put se rappeler pourquoi son rêve de félicité ne se réaliserait jamais. Que ne s'en allait-il avec Miette et Tante Dide ? La mémoire tendue, il écoutait un bruit aigre de fusillade. Il voyait un drapeau tomber devant lui, la hampe cassée, l'étoffe pendante, comme l'aile d'un oiseau abattu d'un coup de feu. C'était la République qui dormait avec Miette dans un pan du drapeau rouge. Ah, misère, elles étaient mortes toutes les deux. Elles avaient un trou saignant à la poitrine. Et voilà ce qui lui barrait la vie maintenant, les cadavres de ces deux tendresses. Il n'avait plus rien, il pouvait mourir. Depuis Saint-Eurour, c'était là ce qui lui avait donné cette douceur d'enfant, vague et stupide. On l'aurait battu sans qu'il le sentît. Il n'était plus dans sa chair, il était resté agenouillé auprès de ses mortes bien-aimées, sous les arbres, dans la fumée âcre de la poudre. Mais le borgne s'impatientait. Il poussa Mourgue qui se faisait traîner. Il gronda. « Ah, et donc, je ne veux pas coucher ici !» Silver trébucha. Il regarda à ses pieds. Un fragment de crâne blanchissait dans l'herbe. Il crut entendre l'allée étroite s'emplir de voix. Les morts l'appelaient. Les vieux morts, dont les haleines chaudes, pendant les soirées de juillet, les troublaient si étrangement, lui et son amoureuse. Il reconnaissait bien leurs murmures discrets. Ils étaient joyeux. Ils lui disaient de venir. Ils promettaient de lui rendre Miette dans la terre, dans une retraite encore plus cachée que ce bout de sentier. Le cimetière, qui avait soufflé au cœur des enfants par ses odeurs grasses, par sa végétation noire, les âpres désirs, étalant avec complaisance son lit d'herbes folles sans pouvoir les jeter aux bras l'un de l'autre, rêvait, à cette heure, de boire le sang chaud de Silver. Depuis deux étés, il attendait les jeunes époux. « Est-ce là ?» demanda le borgne devant lui. Il était arrivé au bout de l'allée. Il aperçut la pierre tombale et il eut un tressaillement. Miette avait raison, cette pierre était pour elle. Sigy, Marie, morte. Elle était morte. Le bloc avait roulé sur elle. Alors, défaillant, il s'appuya sur la pierre glacée. Comme elle était tiède autrefois, lorsqu'il jasait, assis dans un coin pendant les longues soirées. Elle venait par là, elle avait usé un coin du bloc à poser les pieds quand elle descendait du mur. Il restait un peu d'elle, de son corps souple, dans cette empreinte. Et lui pensait que toutes ces choses étaient fatales, que cette pierre se trouvait à cette place pour qu'il pût y venir mourir après y avoir aimé. Le borgne arma ses pistolets. Mourir, mourir, cette pensée ravissait Silver. C'était donc là qu'on l'amenait, par cette longue route blanche qui descend de Saint-Roure à Plassans. S'il avait su, il se serait hâté davantage. Mourir sur cette pierre, mourir au fond de l'allée étroite, mourir dans cet air où il croyait sentir encore l'haleine de Miette, jamais il n'aurait espéré une pareille consolation dans sa douleur. Le ciel était beau. Il attendit avec un sourire vague. Cependant, Mourgue avait vu les pistolets. Jusque-là, il s'était laissé traîner stupidement, mais l'épouvante le saisit. Il répéta d'une voix éperdue « Je suis de Poujol, je suis de Poujol !» Il se jeta à terre. Il se vautra aux pieds du gendarme, suppliant, s'imaginant sans doute qu'on le prenait pour un autre. « Qu'est-ce que ça me fait que tu sois de Poujol ?» murmura Rengade. Et comme le misérable, grelottant, pleurant de terreur, ne comprenant pas pourquoi il allait mourir, tendait ses mains tremblantes, ses pauvres mains de travailleur, déformés et durcis, en disant dans son patois qu'il n'avait rien fait, qu'il fallait lui pardonner, le borgne s'impatienta de ne pouvoir lui appliquer la gueule du pistolet sur la tempe tant il remuait. « Te tairas-tu » cria-t-il. Alors Mourgue, fou d'épouvante, ne voulant pas mourir, se mit à pousser des hurlements de bête, de cochon qu'on égorge. « Te tairas-tu, gredin ?» répéta le gendarme. Et il lui cassa la tête. Le paysan roula comme une masse. Son cadavre alla rebondir au pied d'un tas de planches, où il resta plié sur lui-même. La violence de la secousse avait rompu la corde qui l'attachait à son compagnon. Silver tomba à genoux devant la pierre tombale. Rengade avait mis un raffinement de vengeance à tuer Mourgue le premier. Il jouait avec son second pistolet. Il le levait lentement, goûtant l'agonie de Silver. Celui-ci, tranquille, le regarda. La vue du borgne, dont l'œil farouche le brûlait, lui causa un malaise. Il détourna le regard, ayant peur de mourir lâchement s'il continuait à voir cet homme frissonnant de fièvre, avec son bandeau maculé et sa moustache saignante. Mais comme il levait les yeux, il aperçut la tête de Justin au ras du mur, à l'endroit où Miette sautait. Justin se trouvait à la porte de Rome dans la foule, lorsque le gendarme avait emmené les deux prisonniers. Il s'était mis à courir à toutes jambes, faisant le tour par le jamais franc, ne voulant pas manquer le spectacle de l'exécution. La pensée que seul des vauriens du faubourg, il verrait le drame à l'aise, comme du haut d'un balcon, lui donnait une telle hâte qu'il tomba à deux reprises. Malgré sa course folle, il arriva trop tard pour le premier coup de pistolet. Désespéré, il grimpa sur le mûrier. En voyant que Silver restait, il eut un sourire. Les soldats lui avaient appris la mort de sa cousine. L'assassinat du charron achevait de le mettre en joie. Il attendit le coup de feu avec cette volupté qu'il prenait à la souffrance des autres. Mais décuplé par l'horreur de la scène, mêlé d'une épouvante exquise. Silver, en reconnaissant cette tête, seule au ras du mur, cet immonde galopin, la face blême et ravie, les cheveux légèrement dressés sur le front, éprouva une rage sourde, un besoin de vivre. Ce fut la dernière révolte de son sang, une rébellion d'une seconde. Il retomba à genoux, il regarda devant lui. Dans le crépuscule mélancolique, une vision suprême passa. Au bout de l'allée, à l'entrée de l'impasse Saint-Mitre, il crut apercevoir Tante Dide, debout, blanche et roide comme une sainte de pierre, qui de loin voyait son agonie. À ce moment, il sentit sur sa tempe le froid du pistolet. La tête blafarde de Justin riait. Silver, fermant les yeux, entendit les vieux morts l'appeler furieusement. Dans le noir, il ne voyait plus que Miette, sous les arbres, couverte du drapeau, les yeux en l'air. Puis le borgne tira, et ce fut tout. Le crâne de l'enfant éclata comme une grenade mûre, sa face retomba sur le bloc, les lèvres collées à l'endroit usé par les pieds de Miette, à cette place tiède où l'amoureuse avait laissé un peu de son corps. Et chez les Rougon, le soir, au dessert, des rires montaient dans la buée de la table, toute chaude encore des débris du dîner. Enfin, ils mordaient au plaisir des riches. Leurs appétits, aiguisés par 30 ans de désirs contenus, montraient des dents féroces. Ces grands inassouvis, ces fauves maigres, à peine lâchés de la veille dans les jouissances, acclamaient l'empire naissant, le règne de la curée ardente. Comme il avait relevé la fortune des Bonaparte, le coup d'État fondait la fortune des Rougon. Pierre se mit debout, tendit son verre en criant « Je bois au prince Louis, à l'empereur !» Ces messieurs, qui avaient noyé leur jalousie dans le champagne, se levèrent tous, trinquèrent avec des exclamations assourdissantes. Ce fut un beau spectacle. Les bourgeois de Plassans, Roudier, Granoux, Vuillet et les autres pleuraient, s'embrassaient sur le cadavre à peine refroidi de la République. Mais Sicardo eut une idée triomphante. Il prit, dans les cheveux de Félicité, un nœud de satin rose qu'elle s'était collé par gentillesse au-dessus de l'oreille droite, coupa un bout du satin avec son couteau à dessert et vint le passer solennellement à la boutonnière de Rougon. Celui-ci fit le modeste, il se débattit, la face radieuse en murmurant « Non, je vous en prie, c'est trop tôt, il faut attendre que le décret ait paru. »« Sacre bleu !» s'écria Sicardo, « voulez-vous bien garder ça? C'est un vieux soldat de Napoléon qui vous décore. » Tout le salon jaune éclata en applaudissements. Félicité se pâma. Granoux, le muet, dans son enthousiasme, monta sur une chaise en agitant sa serviette et en prononçant un discours qui se perdit au milieu du vacarme. Le salon jaune triomphait, délirait. mais le chiffon de satin rose, passé à la boutonnière de pierre, n'était pas la seule tache rouge dans le triomphe des Rougon. Oublié sous le lit de la pièce voisine, se trouvait encore un soulier au talon sanglant. Le cierge qui brûlait auprès de M. Perrotte, de l'autre côté de la rue, saignait dans l'ombre comme une blessure ouverte. Et au loin, au fond de l'air Saint-Mitre, sur la pierre tombale, une mare de sang se caillait.